On fait de l'activité physique, qu'on s'entraîne, joue au hockey, du ski, on va dépenser de l'énergie. Faut savoir quoi manger avant et après pour pas avoir de petites faiblesses. On en parle avec Stéphanie Ray et Kate Anna du service de traiteur Le Gosier à Barrie. Salut les filles! Allez! Êtes-vous des filles sportives? Ben, on va dire. Non, mais on comprend quand même c'est quoi l'entraînement à un certain niveau. Moi, je ne suis pas vraiment de sport en tant que tel, mais j'ai toujours fait un peu de CrossFit puis aller au gym. Et toi, Kate, je pense que tu en fais un petit peu toi aussi. Tu sors de temps en temps. Cardio, puis oui, je fais plus de cardio. J'aime pas faire du calme. Beaucoup de poids à terre. C'est pas pour moi. Mais là, vous, avant de commencer là, une activité quelconque, là, physique, surtout là, du sport, on prend pas une barre de chocolat ou quelques bonbons pour se donner de l'énergie. Là, ça prend autre chose que ça. Donc, avant l'entraînement, Kate? Pour moi, avant l'entraînement, je prends comme... Je mange comme un pomme ou quelque chose, un fruit, quelque chose qui a beaucoup de glucides. Donc, si on allait au gym, on fait comme un coaster 5 à 10 km ou fait une séance de l'entraînement au gym, fait du tennis, de hockey, comme des soccer, des choses comme ça, on a besoin d'une collation qui a... qui a riche en glucides. Oui, excuse-moi, riche en glucides, puis un peu de bon gras, puis un peu de protéines. C'est vraiment comme quelque chose qui est vraiment digestible. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est rare que je mange honnêtement avant d'aller au gym, mais parce que j'aime m'entraîner première chose le matin. Oui. Par contre, une banane, tu sais, c'est super. Ça a des fibres, c'est haut en glucides, puis c'est pas trop lourd non plus sur l'estomac. Il y en a qui trouvent ça difficile de manger avant. Banane, mangue, une pomme, quelque chose qui est quand même, ou des dattes encore là, tu sais, une ou deux dattes, tu me sens un petit Tupperware avant de partir, puis c'est rapide. Ce qui nous emmène un peu à parler des boules d'énergie, JP, qu'on t'a envoyé. Oui, je regarde ça tranquillement, pas vite, là. Dans quelques minutes, là, on devrait y goûter. Je vais le manger live, je vais vous donner mes impressions par après. Ça vient du livre de Madame Libirski, « Bye bye sucre raffiné, bonjour purée d'être ». Dans ce livre-là, on met vraiment le sucre de côté, on substitue ça par du sucre naturel, entre autres. Oui, exactement. Donc, dans son livre, elle parle beaucoup de la date, qui est super intéressant. C'est une belle option, honnêtement. Si tu peux faire une purée de date puis l'utiliser dans différentes recettes ou des dates hachées. Nous, au Gosier, on utilise soit des dates, du sirop d'érable ou du miel. On n'utilise pas vraiment de sucre raffiné. Et puis, non seulement ça ajoute un goût sucré naturel, mais tu as plein de fibres et plein de minéraux qui sont dans les dates, qui est excellent. Et puis, on fait plusieurs choses avec ça. Puis, tu sais, quand même, on parlait de avant l'entraînement, parfois aussi après l'entraînement. On veut manger un repas équilibré ou quelque chose qui est plus haut en protéines à ce moment-là. Donc, ça peut être un smoothie comme ça peut être un vrai repas. Une recette de smoothie, moi, que j'aime beaucoup, qui a des dates, c'est comme un demi-avocat, une demi-banane, quelques fraises, une date, puis du lait d'amande. Puis, tu peux rajouter aussi de la poudre de protéines, si tu veux, là-dedans. Je trouve que ça ajoute comme un... C'est super frais, puis les dates, c'est juste assez sucré pour dire que c'est sucré, mais ça tombe pas sur le cœur. Moi, j'aime beaucoup. Puis, tu sais, d'autres options, comme après l'entraînement, ça pourrait être du beurre de noix avec des légumes ou des fruits. Ça pourrait être... C'est juste comme aussi simple manger un repas, ton dîner, une salade avec du poulet ou du poulet avec du riz ou... Ça peut être vraiment n'importe quoi, des œufs. C'est toujours une bonne protéine facile que tu peux manger to go dans l'auto aussi si c'est pressé. Mais les smoothies, là, c'est pas celui là, de chez Tim Hortons qu'on va prendre. Il faut vraiment prendre quelque chose qui a du bon sens, là, qui va nous donner vraiment de l'énergie, comme vous venez de nous mentionner. Oui, exact. Malheureusement, chez Tim Hortons, c'est surtout de la glace puis du jus qui vous servent dans les smoothies. J'aurais des fruits avec beaucoup de sucre. Oui. Une place ici à Barrie que j'aime beaucoup pour les smoothies, c'est... Il y a à Barrie pour les bons smoothies, Ripe Juicery. Donc, eux autres, ils font des super smoothies sur mesure. Ils font leur propre lait d'amande, leur lait de noix. Et puis, ça, c'est vraiment une option to go. C'est sûr, c'est un peu plus cher. Il y a aussi Goodness Me à Barrie qui a un bar à smoothies. Puis, c'est juste à côté du gym, en plus. Alors, si vous allez... Ah, c'est bon pour les gens, là. L'option, oui, exactement. Puis, c'est des... Si on n'a pas le temps de le faire à la maison, au moins, il y a toujours des endroits qui en offrent qui sont meilleurs un peu là, que Tim Hortons ou quoi que ce soit. Là, ça va être le moment de vérité. Stéphanie, tu m'as envoyé des bibittes paquettes qui sortent du livre de Mme Libriski. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Oui, donc dans le fond, dans sa recette, elle, ce qu'elle propose comme protéine, qui est un peu New Age, c'est une poudre de grillon. Donc, ça, c'est une nouvelle protéine qui est sur le marché, je te dirais, depuis un an ou deux. Et puis, ça a vraiment explosé. On commence beaucoup à en voir dans les barres d'énergie, barres protéinées. Puis maintenant, on peut même en trouver à l'épicerie dans la section bio. Il y a des petits paquets qui se vendent. Moi, je l'ai trouvé au Loblaws, pas de problème. Alors, c'est une boule d'énergie à base de dattes avec la poudre de grillon comme ingrédient principal, je te dirais. Et puis là-dedans, j'avais aussi mis de la poudre de lait de coco, un peu de vanille. Et puis, c'est pas mal ça. Des amandes? Oui, il y avait de la poudre d'amande, oui, aussi. Mais là, les gens vont se dire, c'est une bébite. Ça nous écarte tout un peu. Là, quand on a l'image d'une bébite, on veut pas manger des bébites, mais c'est une très, très bonne protéine. Là. Les bébites, comme on peut dire, là, tranquillement, pas vite, vont peut-être un jour substituer la viande parce que c'est une bonne source d'énergie, de protéines aussi. C'est une source de protéines qui est aussi un coût énergétique qui est vraiment bon parce que ça prend pas grand-chose pour élever des insectes. Alors, comme ceux que j'ai trouvés au Loblaws, c'était élevé au Canada. Oui. Et puis, c'était pas très cher. Là. Un sac, ça m'a coûté 15 $. C'est une bonne source de protéines. C'est comme source de protéines. 2 et demi cuillères de soupe pour comme 13 grammes de protéines, je pense. Fait que ça revient pas cher non plus. Tu sais, des fois, on a peur d'acheter des poudres protéinées à l'épicerie ou au magasin d'aliments naturels parce que ça nous coûte comme 50 $, 60 $ pour un gros contenant. Mais ça, là, 15 $, puis on en a en masse. Mm-hmm. Donc, c'est quand même intéressant. C'est éco-responsable. Oui, exactement. Oui. Fait que c'est sûr, ça prend un peu de temps à s'ajuster, je pense, mais si on le met avec des ingrédients qu'on aime, nous, déjà, je pense que ça va aider. Alors, goûte-nous ça, puis dis-nous qu'est-ce que t'en penses. Ouais, je vais goûter à ça, le voir. C'est la première fois que je vais goûter de la farine de bibitte. Alors, c'est une première. Oui, c'est très bon. Je vois aucune différence. C'est chocolaté. Est-ce que la poudre de grillon a une texture ou une saveur qui est différente de la farine naturelle? Pas tellement au niveau de la saveur. Moi, ce que j'ai trouvé par certaines barres énergétiques que j'avais essayées au grillon, c'était un petit peu plus granuleux, je te dirais. Mais de façon générale, honnêtement, au goût, ça change vraiment rien, là. J'ai trouvé, quand j'étais à l'épicerie hier, deux autres sortes de barres comme ceux-là. Ils viennent du livre que tu t'as proposé, puis on les a fait nous-mêmes. Honnêtement, ça m'a pris 15 minutes peut-être faire les boules, puis ça en a fait à peu près 30. Donc, ça en fait beaucoup. Oui, ça en a fait beaucoup. Et puis, c'était, tu mettais tout ça dans un bol, tu mélangeais, ensuite 10 minutes au four, puis je les ai laissés au frigo toute la nuit. Donc, c'était super rapide, c'est vraiment pas très cher. C'est sûr que si on va dans des bars préfaites, c'est beaucoup plus cher. Mais il y a la marque Quick Start, comme Cricket, qui est quand même à 12 grammes de protéines pour une barre de 50 grammes. C'est une barre sans gluten. Ils ont chocolat ou citron. Ça, c'est environ le 3-4 $ la barre. Puis il y avait aussi la marque Coast, qui est Cricket Energy Bar. Mais les autres, ils la font au beurre d'arachide. Alors, encore là, entre 3-4 $ individuellement à la barre. Mais c'est des marques canadiennes qui commencent à utiliser cette protéine-là. Donc, oui. Ça peut être intéressant aussi si on veut l'essayer sans acheter peut-être un sac. Là. Parce qu'on ne sait pas marques. Si on va aimer ça ou pas. Là. Exactement. Puis, je pense que comme toutes les barres protéinées, des fois, ça a des goûts un peu bizarres ou oui. Dépendamment de la protéine. Tu l'essayes, puis ouais. Mais il faut dire que je l'ai essayé, j'y ai goûté. C'est certain que je vais en remanger d'autres. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Faut juste enlever là, les gens qui veulent essayer ça. Enlevez-vous là, de la tête que c'est un insecte. Et lâchez-vous lousse. Vous allez avoir plus de protéines. En plus, ces petites boules-là sont excellentes. Et sûrement qu'on peut aussi mettre ça là, avec d'autres recettes, là, entre autres. Oui, exactement. Donc, je suis certaine qu'on peut en mettre souvent dans des brownies. C'est tout ce qui est une recette un peu chocolatée ou qui est très dense, déjà, rajouter un peu de protéines à l'intérieur, c'est super facile habituellement. Ben, je me demande, si je décide de faire une pâte à tarte, peux-tu prendre de la farine de grillon ou je suis mieux de prendre de la farine ordinaire? C'est pas vraiment une farine, c'est une poudre. Fait que tu pourrais pas vraiment juste substituer de la farine, mais tu pourrais substituer, par exemple, dans une recette de smoothie, changer ça pour de la poudre de grillon, tu sais, au lieu d'avoir de la... Tu sais, des fois, tu as de la protéine de petit lait ou de la protéine de pois, tu pourrais remplacer par la poudre de grillon. Ah, pas pire, ça. Ouais. Alors, on invite les gens, peut-être, à aller faire un petit tour sur le site de Madame Libriski pour avoir peut-être des alternatives au sucre raffiné, qui, on sait, n'est pas très bon pour le diabète. Son site est rempli de recettes diverses, là, avec des dates, donc il y a différentes sortes de boules d'énergie et tout. Et puis, elle a aussi ses livres en vente qui sont sur son site. Puis, elle a même des packages pour Noël avec des tabliers que Kate me disait qui sont personnalisés. Tu peux acheter avec des livres. Alors, honnêtement, c'est intéressant. Donc, on peut jeter un coup d'œil aux recettes gratuitement sur son site ou l'encourager puis acheter le livre ou les produits dérivés. Là. Ouais, moi, je me suis gâté cette fin de semaine. J'ai acheté le dernier livre parce que je voulais avoir des petits trucs là, pour être plus énergisé avant et après mes entraînements. C'est toi qui nous fais la prochaine recette, JP? Oui, on va essayer ça. Je l'ai laissé chez mes parents parce que je sais qu'ici, j'avais pas le temps, mais probablement là, pendant les fêtes, là, on va en cuisiner quelques-unes. Vous nous avez laissé une petite recette de boisson de récupération qu'on va mettre aussi là, sur la page Facebook de CFRH. Oui, exactement. Donc, souvent, on a tendance à boire comme du Gatorade ou des choses super sucrées. Oui. Même si c'est comme une journée chaude, c'est comme... quand on a besoin d'un Gatorade, mais pas toujours. Ouais, c'est très rare. Souvent, les gens, moi, je vois souvent les jeunes à l'école qui boivent ça comme de l'eau. C'est pas idéal. Donc, la boisson récupération au citron lime qu'on va mettre en ligne, ça nous permet d'avoir une boisson qui nous fait récupérer, mais qui n'a pas le sucre. À ce moment-là, c'est avec des dattes encore. Donc, jus de lime, dattes, de l'eau, un peu d'agave, protéines de chanvre. Les autres, ils mettent des algues aussi, du jus de citron. Donc, tu mets tout ça au mélangeur, puis ça se garde au frigo très bien. Donc, tu peux en faire pour ta semaine de workout, puis l'apporter avec toi au gym à ce moment-là. Puis, ça change de l'eau, ça donne un petit peu plus, mais sans avoir tout le sucre là, dans le Gatorade. Stéphanie Ray et Kate Anna du service de traiteur Le Gosier à Barrie, je vous remercie et j'espère qu'on aura pu donner une alternative aux gens pour remplacer leur sucre raffiné dans leur recette. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Salut. Bye.